Bien, puisqu'on est encore dans les adjectifs en ANT, pourquoi ne pas enchaîner sur les noms équivalents en ANCE? Anse en français, ans en anglais. Comme ça, on fera d'une pierre deux coups. Par exemple, nous avons vu le mot important en anglais, à partir duquel vous n'aurez aucun mal à deviner comment dire importance. Importance. Importance, of course. Ça s'écrit exactement comme en français. Mais comme vous le savez déjà, il n'existe pas de son naso un et en anglais. Donc, on entendra importance. Et quel sera le mot anglais pour ambulance? Ambulance. Ambulance, oui. Et l'ambulance se dira the ambulance parce que l'article the se prononce the quand il est suivi d'un son de voyelle, comme c'est le cas avec ambulance. Car the ambulance, ça n'est pas très joli à entendre. Donc on prononce the ambulance. Alors comment direz-vous, l'ambulance est arrivée 5 minutes plus tard? Pour dire est arrivée, on va employer la forme du passé en ED, arrived. 5 se dit five, five, et plus tard se dit later. Ça vient de late, tard, que vous connaissez déjà. Donc, late, auquel on ajoute un petit R final. Later. Later. Alors, l'ambulance est arrivée 5 minutes plus tard. The ambulance arrived 5 minutes later. The ambulance arrived 5 minutes later. Et si ce n'est pas 5, mais par exemple 2 ou 10 que vous voulez dire, vous trouverez les autres nombres dans le livret d'accompagnement.